lourde, non dénuée de sens. Reflet d'actes chargés de conséquences. Originaire d'ici SUD, représente les nôtres, ceux qui sont sur la mauvaise pente. Ou dans l'impasse, sans oublier le gars décédé. Tous ceux que la mort sans prévenir a fauché. Assis à la mauvaise table, avec à main les mauvaises cartes. La vie une pièce de théâtre que certains ont quitté dès le premier acte. Impuissant face à la destinée, le mec tout broya, tu peux rien y faire. Même dans la détresse, malgré la peine, les gars comme nous restent fiers. Lyrics macabre comme l'exorciste ou le cercle. Reine grave, si tu cogites, c'est que t'as pris en pleine tête. La réalité que je grave sur sillon. Dernier hommage à nos morts, parti dans l'anonymat, accompagné de regrets et de remords. Rien à voir avec les funérailles du pape. On s'en rapporte, c'est seulement des faits que je rapporte encore et encore. Chroniqueur de l'illicite comme du tragique. Je décris le monde dans lequel je vis. Si t'es pas d'accord, c'est que t'es pas d'ici. T'es perdu au pays des merveilles comme Malice Petit. C'est pour nos gars décédés, ceux qui ont perdu la raison. Ceux qui nous ont jamais lâchés, ceux qui ont fini en prison. C'est nos vies qu'on met sur 10, et souvent c'est nos vies qu'on risque. Trop souvent des fins tragiques, seule certitude, tout va trop vite. C'est pour nos gars décédés, ceux qui ont perdu la raison. Ceux qui nous ont jamais lâchés, ceux qui ont fini en prison. C'est nos vies qu'on met sur 10, et souvent c'est nos vies qu'on risque. Trop souvent des fins tragiques, seule certitude, tout va trop vite. Le vécu parfois trop lourd nous colle à la peau, comme les tatouages de Yakuza. Ou le membre d'une triade qui se coupe un doigt au couteau. Chacun sa croix, chacun son fardeau. En cas de problème, je compte sur moi-même et sur mes rôles. Unis comme la mafia, la cause à Nostra, c'est la haine. C'est notre cause commune, à l'heure actuelle, tu t'as la main, on te bouffe le bras. Donc s'il faut faire parler le canon, on le fera. Hors de question de pleurer à chaudes larmes. Même quand les douilles s'éjectent de larmes. Comme le sang quand on sectionne une artère, pas comme un goutte à goutte. On t'offre un voyage à charter, tout le trajet dans la soute. Si t'as pas d'air et peu de place entre quatre planches, c'est que t'es déjà mort, victime d'un accident tragique ou d'une vengeance. Une vendetta comme disent les Corses. La mort une phobie pour beaucoup, mais tous veulent la place du boss. À ce jeu là y'a beaucoup de disciples, mais la discipline montre parfois un côté dangereux. Faites les équipes dans la sélection, des gars sérieux. Donne la victoire au plus hargneux. Et pour les autres, c'est les autres, sans espoir. C'est pour nos gars décédés, ceux qui ont perdu la raison. Ceux qui nous ont jamais lâchés, ceux qui ont fini en prison. C'est nos vies qu'on met sur 10, et souvent c'est nos vies qu'on risque. Trop souvent des fins tragiques, seule certitude, tout va trop vite. C'est pour nos gars décédés, ceux qui ont perdu la raison. Ceux qui nous ont jamais lâchés, ceux qui ont fini en prison. C'est nos vies qu'on met sur 10, et souvent c'est nos vies qu'on risque. Trop souvent des fins tragiques, seule certitude, tout va trop vite. Chaque jour son lot de difficultés, chaque jour ses peines, ses joies, ouais. La thune à peine gagnée, déjà dépensée. Pour beaucoup, le seul moyen de subsister, un taf pourri est une illégale activité. Nombreux sont ceux qui vivent cette vie, cherchant par tous les moyens d'éviter le flagrant délit. Autant que les coups de balance des soi-disant amis, avec qui tu te marrais au fond de la classe, petit. Ça fait un bail que j'ai lâché ces putains d'études. Ma place n'était pas ici. La seule certitude, Zeg à l'université, ça aurait fait des ordres. Un peu comme une manif Oxford ou un prix Nobel à la paillade. Si tu respectes pas nos codes, il se peut que ça parte en fusillade. Beaucoup m'ont mis sur leur liste noire. Aimeraient me voir raser les murs du matin au soir. Mais pour l'heure, c'est pas encore d'actualité. Comme d'arrêter de faire ma musique sur sampler malgré les reproches des adeptes des beats programmés sur synthé. Je changerai pas de cap comme la vie sur les Twin Towers. Je reste sur ma trajectoire en terre, les racipiers se perdent. Pour nos gars décédés, ceux qui ont perdu la raison. Ceux qui nous ont jamais lâchés, ceux qui ont fini en prison. C'est nos vies qu'on met sur 10, et souvent c'est nos vies qu'on risque. Trop souvent des fins tragiques, seule certitude, tout va trop vite. C'est pour nos gars décédés, ceux qui ont perdu la raison. Ceux qui nous ont jamais lâchés, ceux qui ont fini en prison. C'est nos vies qu'on met sur 10, et souvent c'est nos vies qu'on risque. Trop souvent des fins tragiques, seule certitude, tout va trop vite. C'est pour nos gars décédés, ceux qui ont perdu la raison. Ceux qui nous ont jamais lâchés, ceux qui ont fini en prison. C'est nos vies qu'on met sur 10, et souvent c'est nos vies qu'on risque. Trop souvent des fins tragiques, seule certitude, tout va trop vite. C'est pour nos gars décédés, ceux qui ont perdu la raison. Ceux qui nous ont jamais lâchés, ceux qui ont fini en prison. C'est nos vies qu'on met sur 10, et souvent c'est nos vies qu'on risque. Trop souvent des fins tragiques, seule certitude, tout va trop vite.